Bonjour à vous les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Le fureteur professionnel vous retrouve aujourd'hui en pleine forme. Et comme tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête, abreuvez-vous de connaissances par les oreilles. On va boire un verre ou... Sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles, c'est parti pour l'aventure. Comme promis la dernière fois, on va parler de dinosaures les enfants. Vous allez me dire, ouais Théo, les oiseaux ils descendent des dinosaures quand les poules ont des dents. Elles ont des dents. Enfin une. Baptisée dent de l'œuf, cette dent à la poule leur sert quand elles sont encore poussins. Elle leur permet de casser la coquille de l'intérieur afin d'éclore. Ensuite, très vite, celle-ci finit par tomber. Les dinosaures sont impressionnants d'un point de vue biologique. En effet, les plus petits dinosaures terrestres, de la taille d'un pigeon, pesaient quelques dizaines de grammes, alors que les plus grands avaient une masse corporelle de plus de 50 tonnes. Il y avait des carnivores, des hypercarnivores, ceux qui mangent plus de 70% de viande, l'ennemi des véganes, les végétariens, les omnivores, voire même les insectivores, c'est-à-dire ce qu'on veut nous faire dans le futur. Depuis l'Antiquité, la découverte de fossiles a intrigué l'humanité. Les plus anciens ossements fossiles de dinosaures ont principalement été trouvés en Amérique, datant d'environ 230 millions d'années. Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Avec l'avènement au 19e siècle de la paléontologie, en tant que science, le premier dinosaure décrit dans la littérature scientifique est le carnivore Megalosaurus, présenté par William Buckland en 1824. La première figuration d'un dinosaure, l'iguanodon, a été faite en 1834 par Gideon Mantell, et le concept de dinosaure, lui, apparaît en Angleterre, ils sont en avance sur ça mais nous on les dépasse sur tout le reste, avec le mot dinosauria, du grec dénos et sauros qui signifie lézard terriblement grand, inventé en 1842 par le naturaliste Richard Owen. Il les voyait comme de lourds quadrupèdes qui ressemblaient à de gros mammifères avec des membres portés verticaux sous le corps. Vivons comme on est né. Tout simplement tout nu. Sauf si on fait abstraction d'une peau en écaille et d'une longue queue, les dinosaures du Parti Socialiste. La découverte sur le terrain de squelettes complets va permettre aux chercheurs de proposer de nouvelles hypothèses concernant la posture des dinosaures. Certains d'entre eux, comme les théropodes et les ornithopodes, furent considérés comme des bipèdes. L'iconographie de cette époque dépeint ces dinosaures comme des kangourous. Ces rats géants humanoïdes d'Australie sont ultra dangereux. Bondissant, se tenant sur leurs pattes arrière et s'appuyant sur leur queue. Pourquoi des kangourous? Parce qu'à l'époque, on utilisait des patrons de squelettes de kangourous pour la queue et d'autruches pour le bassin et les membres postérieurs afin d'assembler les œufs de dinosaures. Ces postures de bipèdes ont depuis été réfutées par de nombreux scientifiques, dont moi-même. Pendant la seconde moitié du 19e siècle, avançons un petit peu dans le temps, les découvertes se sont faites, lors d'explorations de vastes étendues de l'ouest nord-américain. N'allez pas dans les hauteurs ! Et c'est le cas de Barnum Brown, celui qui découvrit les premiers ossements de Tyrannosaurus, racine gréco-romaine voulant dire le roi des lézards tyrans, dans le Dakota du Sud et le Montana au début du 20e siècle, car pour l'anecdote, il n'avait pas trouvé de crâne de Triceratops à ramener au musée de New York. Aventurier avant l'heure qui parcourut le monde, apprenant le poker aux autochtones de la Patagonie, surnommé Mr. Bone, on en parlera peut-être un jour. L'autre pays du Tyrannosaurus, c'est la Mongolie, là où il n'y a pas de Mongols. Avec le Tarbosaurus bâtard, oh les bâtards, héros en mongol, et l'Alioramus. Pour le coup, nous allons enfin répondre à la question tant attendue. Comment et pourquoi les dinosaures descendent bel et bien des oiseaux et non des reptiles ? Nous allons d'abord commencer par l'hostilité des paléontologues aujourd'hui décédés, car trop vieux, étant portés sur le vol battu, nécessitant un métabolisme très énergétique, pouvant être possible que dans un groupe d'animaux à sang chaud. Ce qui n'était pas compatible avec l'image qui prévalait des dinosaures, c'est-à-dire pour eux à l'époque des animaux à sang froid et peu actifs, comme les dinosaures du Parti Socialiste. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, français comme vous vous en doutez, en 1809 dans sa philosophie zoologique va dire, avec ses mots de l'époque, si je plaçois la tête d'une tortue sur le cou de certains oiseaux, je n'apercevois presque aucune disparate dans la physionomie générale. Avec cette phrase très longue, ça veut dire que lui y voit des tortues sur des oiseaux. Arrêtez la LSD. C'est dans les années 1860 que l'on découvrit l'Archéoptérix en Bavière. Premier dinosaure à plumes par Hermann von Mayer, et dès 1864, Carl Gegenbaur émet l'hypothèse de l'origine dinosaurienne des oiseaux. Puis c'est en 1868 par Thomas Huxley, aucun lien de parenté avec l'auteur Aldous Huxley. Puis Harry Grover Seeley, qui inventa lui-même la classification des saurischiens et des ornithischiens. la grosse découverte, l'énorme découverte que dis-je, pouvant confirmer l'affiliation entre les dinosaures et les oiseaux, s'est faite en 1996 avec les dinosaures à plumes du nord-est de Pékin. Le Cynosauropteryx, lézard chinois à ailes de 70 cm et de moins d'un kilo, avait du duvet. Mais ce sont les ossements des oviraptorosaures, mangeurs d'œufs, les protoarchéoptéryx et les codipteryx qui possédaient des plumes au niveau des pattes antérieures et de la queue. En apothéose de ces noms à rallonge, le Dilong, dragon empereur en chinois, et le, ce nom me fait toujours rire, et le Utyranus, qui s'avèrent être personne d'autre que les cousins du Tyrannosaurus. C'est grâce à eux que l'on a pu envisager le Tyrannosaurus avec des plumes. Plusieurs études postérieures à ces révolutions de pinceaux confirment la parenté entre les dinosaures et les oiseaux modernes. En avril 2008, les chercheurs de l'Harvard Medical School et du Beth Israel Deaconess Medical Center ont analysé au niveau moléculaire une protéine de collagène datant de 68 millions d'années, extraite du fémur d'un fossile de Tyrannosaurus, confirmant que ces dinosaures avaient une ascendante commune avec les poulets et les autruches. Et aussi les dodos, mais eux ont disparu comme vous le savez. Autre aspect plus qu'important des nombreuses années de recherche et de remue-ménage, le sang. Évoqué beaucoup plus haut, les détracteurs d'hier pensaient que les dinosaures étaient des animaux à sang froid. Il faut au moins 8000. Dans le cas d'un animal à sang chaud, ce que étaient réellement les dinosaures, les os sont fortement vascularisés, c'est-à-dire fortement irrigués par des vaisseaux sanguins, et montrent d'autres caractéristiques d'une croissance rapide. Dans le cas, à l'inverse d'un animal à sang froid, on observe au contraire une faible vascularisation et des os denses. Reparlons d'une autre personne, John Ostorm, dans les années 60. Il est tombé sur le Deinonychus. Il est alors plus que stupéfait par les similitudes entre le membre antérieur des oiseaux et celui de son dinosaure découvert, la présence de clavicules et des points communs au niveau du crâne. Parmi tous les éléments anatomiques qui ont permis de créer le corps d'un oiseau, les ailes ont bien entendu une place à part. Aujourd'hui, il y a deux branches de la science qui ont étudié le sujet. Les biologistes, qui observent comment les ailes des oiseaux modernes se développent durant la croissance de l'embryon, et les paléontologistes, qui se focalisent sur les os des dinosaures et des premiers oiseaux. Le laboratoire d'Alexander Vargas, à l'université du Chili, a combiné les deux approches, étudiant les fossiles de plusieurs musées et collectant les données de développement des différentes espèces d'oiseaux modernes. Sur une durée de plusieurs millions d'années, les os du poignet, qui étaient droits, sont devenus courbés et très flexibles avec le temps, permettant aux oiseaux de replier leurs ailes contre leur corps lorsqu'ils ne sont pas en vol. L'équipe chilienne affirme avoir identifié l'origine de ces quatre os et leurs évolutions. Les scientifiques y démontrent, par exemple, qu'un os en demi-lune dans l'aile des oiseaux est le résultat de la fusion de deux os du poignet des dinosaures, ou qu'un autre os fut perdu dans l'évolution des dinosaures volants, mais est réapparu dans l'évolution des premiers oiseaux, probablement pour mieux les adapter en vol. Ça, c'est comme à Pâques, où on cherche les œufs. On trouve pas les œufs, et au final, on trouve les œufs. En rafale, d'autres arguments. Depuis le 19e siècle, on reconnaît que les oiseaux sont des reptiles diapsides archosauriens. Diapsides car deux fosses temporales à l'arrière du crâne. Ils ont un squelette de construction légère avec des os longs et creux. Comme chez les oiseaux, les dinosaures ont 9 sacs à air en plus des poumons, permettant une circulation unidirectionnelle d'air riche en direction des poumons, donc plus d'oxygène dans le sang. La présence d'un os unique, nommé la fourchette, articulée à la ceinture scapulaire dont les deux extrémités sont tirées depuis longtemps autour du poulet du dimanche, la rétroversion du pubis, classant les oiseaux comme descendants des saurischiens. Ils pondent des œufs avec deux couches de cristaux de carbonate de calcium, alors qu'il n'y a qu'une seule couche de cristaux de carbonate de calcium chez les crocodiles. Et donc du coup, on affirme, il y a un lien entre les oiseaux et les dinosaures, donc le T-Rex descend de la poule. Ou l'inverse, je sais jamais. Ces avancées scientifiques et paléontologiques ont été faites sur le tard, à cause de l'évolution en mosaïque des dinosaures. Ça veut dire que les caractères évoluent à des vitesses différentes, tant à l'intérieur des espèces qu'entre les espèces elles-mêmes. Les plumes, quand même objet essentiel, se trouvaient sur la tête, le cou, le dos et la queue, et ils faisaient autour du feu. On le sait grâce à l'étude minutieuse de leur structure, prouvant la présence de mélanosomes, organites intracellulaires où sont fabriqués les pigments, protégeant la peau et donnant la couleur aux fanères, comme chez les oiseaux. Il y avait même des différents types de motifs, différents types de couleurs. Donc l'idée de voir un dinosaure grisâtre, comme le teint d'une personne qui se dit que la vie est trop chère, c'est faux. Les dinosaures étaient colorés, on se serait cru à la Gay Pride. Les plumes leur servaient à se camoufler, à se protéger du froid et à parader avant la reproduction, plus qu'à voler à l'époque. D'où est-ce que les oiseaux volent ? Je vole ! Jack ! Bah oui, vous allez me poser cette grande question, vous auditeurs qui n'êtes pas en face de moi. Il y a deux théories qui s'affrontent et qui se complètent. La théorie arboricole, où les oiseaux ont commencé à voler à partir des arbres, au travers de l'évolution des dinosaures arboricoles et planeurs comme le Microraptor. Vous vous doutez bien que c'était des petits dinosaures. Et il y a la seconde théorie, la théorie cursoriale, qui stipule que les oiseaux ont commencé à voler à partir du sol au travers de l'évolution des petits dinosaures coureurs qui auraient fini par décoller, à l'époque où Usain Bolt aurait été le dernier aux 100 mètres. Aujourd'hui, les dinosaures sont fermement définis comme le groupe de l'arbre généalogique de la vie qui comprend les tricératops et le moineau domestique, et tous les descendants de leurs ancêtres communs. Les dinosaures forment ainsi, dans la classification phylogénétique ou groupe naturel, incluant l'ancêtre commun et tous ses descendants, y compris les formes actuelles, les oiseaux. Depuis la fin du 19e siècle, on classe les dinosaures en deux grands groupes, d'après la structure de leur bassin. Les saurischiens, ceux qui ont un bassin un peu plus lié aux lézards, et les ornithischiens, ceux qui ont un peu plus un bassin lié aux oiseaux. Petite question qui peut titiller certains comme moi. À quoi servaient les bras de 38 cm de long du Tyrannosaurus ? C'est pas très grand comme bras, mais ils ont eu une utilité. Il y a deux personnes qui ont découvert en 2010, Christine Lipkin et Kenneth Carpenter. Ils ont apporté les précisions. Ces bras servaient à deux choses. La chasse, pour se cramponner à la proie, et se relever des nuits, car les Tyrannosaurus dormaient sur le ventre. Donc, avec tous ces arguments, vous vous rendez compte que Jurassic Park a omis une partie de la vérité, due aux non-découvertes de son temps, et que s'il était à refaire aujourd'hui, les Vélociraptors seraient beaucoup moins menaçants avec leur accoutrement digne des meilleurs French cancans. Et évidemment, avant de conclure, Jurassic Park aurait dû s'appeler Crétacé Park. Ben oui, c'est bien marrant d'appeler ça Jurassic Park, mais quand vous ramenez que des dinosaures du Crétacé... C'est quand même une grosse incohérence historique, Michael Crichton et Steven Spielberg. Sur cette petite critique qui ne vaut rien dans le fond et dans la forme, nous nous retrouvons la prochaine fois pour parler de narration narrative. C'était Théo Xérès le Furteur, à la revoyure les amigos.